Bon, j'étais en train de parler puis la caméra a fermé. Donc, partie 2, qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, l'oiseau manqueur laissait sous-entendre qu'il ne se passera rien le 24. Vous savez, la seule chose dont j'ai une certitude à 100%, c'est que le Québec est un laboratoire et que nous sommes manipulés collectivement. Donc, c'est possible que le Pentagone puis le NORAD préparent pour le 24 une démonstration ou quelque chose de spectaculaire pour manipuler la population. Donc, ça se pourrait que le 24, il y ait des ovnis. Mais la seule chose dont je suis certain, si ça arrive, c'est que ça va être de la manipulation, puis que ça va être des objets de fabrication humaine. Donc, c'est ce que je voulais dire, là. C'est ça un petit peu la partie 2. Bon, par rapport... Vous savez, là, ce que je disais là, dans l'autre vidéo, l'affaire, là, comme disent les taoïstes, là, si vous vous souciez de ce que pensent les autres, vous serez toujours leur prisonnier. Puis, c'est de ne pas donner d'importance au niveau psychologiquement. Hein, parce que si je me souciais de ce que pensent les autres, ben, je fermerais ma gueule, puis je ne parlerais plus, j'oserais plus rien dire. Donc, bon, c'est en ce sens-là. Ce qu'ils pensent réellement, monsieur Cossette Trudel, on ne le sait pas. On ne sait pas. Prenez l'affaire Alexandre Bissonnette, les attentats qu'il y a eu, puis tout. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'Alexandre Bissonnette avait été manipulé à travers Internet pour le programmer à aller commettre un attentat. Puis, c'est là-dessus que j'ai eu une chicane avec le docteur Laibie, parce que lui, il croit à l'explication magique que c'est juste de l'islamophobie. Oui, peut-être qu'Alexandre Bissonnette était islamophobe, mais j'ai tout le temps pensé qu'il avait été manipulé par Internet. Par Internet pour commettre cet attentat-là. Donc, ça, c'est ma théorie à moi, parce qu'il y a plusieurs affaires qui collent pas. C'est un peu comme l'affaire qu'il y a eu, là, le gars qui a foncé dans une garderie, là. C'est bizarre, c'est bizarre. Donc, bon. Hein? On peut se douter que derrière les événements, il y a peut-être de la manipulation. Hein? Quand on connaît un peu comment ça fonctionne, comment tout le temps fonctionner la CIA, entre autres, les services britanniques, bon. Donc ça se pourrait que le 24, que le NORAD puis le Pentagone nous préparent des ovnis qui vont survoler le Québec. Puis au lieu de faire ça chez eux, ils veulent faire ça chez nous. Puis c'est par programmation, par influence, un peu comme peut-être pour Bissonnette, peut-être. C'est Richard Glenn qui serait manipulé depuis 40 ans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible, tout est possible. Puis la seule chose qui est d'infini, au fond, quelque part, c'est l'inconscience humaine. À quel point on est naïf, on est tellement naïf. Donc ça se pourrait que le 24, on ait des manifestations d'OVNI. Ça se peut aussi qu'il se passe rien. Qu'il se passe rien pantoute. Là, rendu là, ça va faire pitié. Ça va faire pitié parce que il y a du monde qui va avoir fait rire d'eux pendant 40 ans absolument pour rien. Donc, bon, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Puis, un qui va peut-être être content de ça, là. Depuis que j'ai vu là, le dernier vidéo à Randia, j'ai quasiment envie de prendre rendez-vous là avec l'évêché ici, là, puis de leur dire, ben là, je pense que je vais me faire confirmer. Je pense que je vais me faire confirmer, puis je pense que je vais marier ma blonde. Parce que je commence à me demander, là, si, tu sais, mettre tout de mon bord, là, à un moment donné, parce que ça dépasse tellement l'entendement ce qui se passe, on est tellement dans de la perdition, puis de la dégénérescence, puis de la décadence, qu'à un moment donné, ben, hein? Bon, c'est la fin de la partie 2. Bonne journée.